best of de Koï sur Énergie. J'ai le top 5 des voleurs les plus cons du monde. Ils ont été recensés, je les ai, je remets mon générique branché. On est en 2000 aux Pays-Bas. Deux cambrioleurs entrés par effraction dans un magasin de sport se font surprendre par la police. Il y en a un des deux qui s'enfuit, l'autre il se cache dans les toilettes. Alors ça marche plutôt bien puisque les policiers sont à deux doigts de repartir bredouille. Le portable du mec planqué dans les chiottes sonne. La police le retrouve et c'était son complice qui voulait savoir s'il avait réussi à s'échapper. Oh non, T'es sorti. C'est bon, t'es sorti. Non, c'est la police, on l'a. Ah, prochaine fois. La boulette. Quatrième, on est en 2001 en Nouvelle-Zélande, il s'appelle Robert. Après avoir cambriolé une maison, Robert se rend compte que son butin n'est pas aussi fameux qu'il paraissait. Qu'est-ce qu'il fait, Robert ? Furieux, il prend son téléphone, il appelle la victime et il l'engueule. Je me déplace, je viens chez toi, à domicile, et il n'y a rien du tout. La police a retracé le téléphone portable et l'a chopé. Oh, attends, il aurait pu gagner plus quand même. Je vous ai dit, ils sont très cons. Voici le troisième. On est en 2000, c'est en Irak, il s'appelle Kay Rajnek, il est terroriste, il s'y connaît, s'y connaît vraiment en explosifs, mais beaucoup moins en tarifs postaux. Il meurt dans l'explosion du colis piégé qu'il avait été revenu parce que l'affranchissement du paquet était insuffisant. Ah, non. Le gars, il poste un paquet, il y a pas assez, le paquet revient, le gars, il dit « Tu as quelqu'un à écrit ?» Le loser. C'était sa dernière phrase. Oh, une surprise. On n'a pas la fin. En deuxième, en 99 aux USA, des malfaiteurs pénètrent la veille de Noël dans un bar de Las Vegas. Et ils informent les clients, comme dans les films, il s'agit d'un hold-up. Pas de chance, le groupe de jazz qui assurait l'ambiance, c'est l'amicale de la police de Las Vegas qui est en représentation. Autant vous dire, fin du hold-up. Voilà. Et alors le dernier, c'est pas un voleur, mais c'est un type jaloux qui est pas content. C'est en 97 aux USA. Fou de rage, il surprend les infidélités de sa femme avec un homme. Il sort son pistolet, il vise les deux amants. Il est incapable de tirer, il range son magnum dans sa ceinture, il met pas la sécurité et il a plus de testicules. Il a la balle qui s'est logée dedans, ça a tout explosé. Oh non. Mais il y a que dans les films de Belmondo où le mec se les met devant et il se passe rien. C'est dans la vraie vie, tu changes. Faut pas. Ah, tu vois là, tu deviens madame. Enfin, il manque un truc. Madame. Non, mais voilà. T'imagines, c'est la dernière fois qu'il tire un coup en fait. C'est la merde dans tous les sens. Je pense que c'est la dernière fois. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie.

première bonne raison, bah ça use la batterie. Et quand on voit la galère qu'on a avec un iPhone à la recharger, bon. Deuxième bonne raison, parce que quand on cherche, on trouve, il y aura forcément dedans un truc qui vous plaira pas. Voilà. Parce que troisième bonne raison, s'il vous surprend, eh ben fini la confiance. Et si vous n'avez plus confiance dans votre chérie, c'est mort. Quatrième bonne raison, parce que la blonde qu'il a likée, c'est peut-être sa cousine que vous ne connaissiez pas. Bien sûr. Cinquième bonne raison, parce qu'il est peut-être en train de vous préparer une surprise. Et oui, et que l'énorme bouquet de chez Interflora, c'est peut-être un cadeau pour vous. Sixième bonne raison, parce que dans son historique, vous allez forcément tomber sur un site porno. Mais ça fait pas de lui un obsédé sexuel, c'est peut-être un spam. Septième bonne raison, parce qu'il a sûrement dit des trucs sur vous ou votre mère ou vos copines à ses potes, mais qu'il ne l'a jamais fait vraiment, qu'il n'a jamais vraiment chié sur sa copine, mais qu'il l'aime pour autant. Voyons, faut pas le faire. Donc faut pas tomber sur des SMS. Huitième, parce que ça peut devenir une addiction, une obsession, et à chaque fois que son tel va sonner, vous allez devenir parano. Neuvième, parce qu'il a peut-être installé par accident l'appli Tinder, alors qu'il voulait l'appli Kinder. Il avait pas ses lunettes, et voilà. Ça arrive. Et enfin, dixième bonne raison, parce que s'il a des trucs à se reprocher et qu'il est malin, il a déjà tout effacé. Et enfin, onzième bonne raison, tout ce que vous venez d'entendre a été écrit par un mec, comme vous pouvez vous en douter. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Sopran baba Hermano Shahuela yeah. J'suis toujours resté le même, j'suis toujours resté le même. Je suis toujours resté franc, oui comme ma première sacelle. 20 ans au-dessus de la mêlée, je ne sais pas m'arrêter. Je sais que je devrais en laisser, mais bon je ne sais que les dresser, car j'ai ça dans l'ADN. Non je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas faire doucement. Je les entends me tailler, normal on taille que les diamants. J'ai dû hériter de la baraque de mon voisin Zinedine. À la baraque, il y a une décennie de trophées, mais que des retournés à la Gareth Bale. Les baffes, leur donner le tournis quand tombent les tout derniers chiffres. De leur carrière, j'ai pas tourné la page, mais j'ai plutôt fermé le livre. Mélanger les styles et les gens depuis tellement d'années qu'ils n'arrivent plus à suivre. Donc obligé ce soir de leur expliquer ce qui leur arrive. Viens, zoom, zoom, zoom, comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la légende. Ah, c'est Yezou, zoom, zoom. Comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la légende. Ah, jamais on trahira la Honda. Pour de l'oseille ou bien des nanas. Jamais. On vient rentrer dans la légende. De Coé. Ça a été compliqué, mais on a trouvé. 17h-20h, c'est le best-of de Coé sur Énergie. Télévision, Mico. Allez, on commence avec Léana des Anges qui aimerait bien être à Ibiza. Léana, notre Léana, nous. À qui tu as écrit. Absolument. Mico lui a écrit pour l'inviter à l'émission, elle lui a répondu. Voilà. 8 fautes par mot, j'ai jamais vu ça. C'est vrai? Mais mec! Oh, c'est les réseaux, c'est les réseaux. C'est une faute par mot! Faut que tu montes. Un enfant de CM1. C'est les réseaux. Bon, elle aimerait bien être à Ibiza, mais elle peut pas, le problème, c'est parce qu'elle est en Espagne. Ah oui? Là, j'ai l'impression d'être à Ibiza alors que je suis en Espagne, rien à voir. Rien à voir. Et oui, rien à voir. Je sais que je comprends mieux ce qu'elle t'a répondu. Ouais, on l'embrasse quand même. Oui, on lui fait des bisous. Allez, géographie toujours dans un dîner presque parfait sur M6 où les candidats devaient trouver la capitale du Venezuela. Le Venezuela. Caracas, c'est... Bravo. À un moment donné, on m'aurait dit quelle est la capitale de Paris. Bon, ça aurait été facile, mais bon, la capitale du Burkina Faso, je sais pas quoi. Je sais rien. C'est même pas le visuel, là. Je crois que c'était une bête. Tu vois, une bête en Afrique. Le Dahu, quoi. J'ai chassé le Venezuela. Le Dahu africain, quoi, le Venezuela. Ouais, j'ai ramené une tête de Venezuela, je vais la mettre dans ma. D'accord, et le mec, si on m'avait demandé la capitale de Paris. Il est bon. Allez, on termine le zap avec le petit moment de culture slash caca du jour. C'était dans les 12 coups de midi sur TF1. Les Américains en 2012, pour la première fois au monde, ont inauguré une banque de caca. Les donneurs touchent une commission pour chaque grosse commission. Attends, ils touchent la commission. Les bonnes bactéries qui sont contenues dans le caca du donneur qui est sain. Un donneur sain, qui a un bon caca avec des bonnes bactéries, vont se développer pour reconstituer la flore intestinale du malade et ça sauve des vies. Je redis le mot encore une fois, caca. C'est pour mon plaisir, c'est pour moi. Caca. J'ai envie de dire bienvenue dans les 12 caca de midi. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Sur Énergie. Nico nous parlait du canular à l'enterrement de Philippe Gildas qu'a fait Antoine Duncol à José Garcia. Ouais. Oui. En gros, il lui a dit le dress code. C'est en blanc. C'est en blanc. Donc tout José Garcia est venu en blanc, c'était le seul. Avec sa femme, ouais. C'est drôle. Ouais. Les deux. Mais c'est pas la première fois qu'il lui fait en plus. Mais non. Mais je trouve ça. Oh, c'est rigolo. Je vous fais quelques-uns des plus gros canulars au monde. Allez. Allez, on s'en fait quelques-uns. En octobre 1938, vous vous souvenez de celui d'Orson Welles? Ah oui, bien sûr. Il fait une émission de radio. Il raconte une invasion d'aliens. C'est tellement réaliste. Bon, on est en 1938. Hein, il n'y avait pas la télé. Voilà, il n'y avait pas les images, il n'y avait pas Twitter. Quand même, les gens disaient. Bon, c'était tellement réaliste que les auditeurs croient que les extraterrestres sont en train d'envahir le New Jersey. Ça a créé une panique dans tous les États-Unis. Les mecs se sont rués sur le téléphone pour prévenir la famille, les voisins. Les lignes ont été saturées et le gars a dû finalement, la radio a dû démentir, mais les gens y ont cru pendant très longtemps. C'est drôle. C'est ouf ça. Ah, aujourd'hui ça se passerait pas pareil. Non. Aujourd'hui bah, non. Une amende et tout, la totale. Alors, vous vous souvenez des crop circles? Vous vous souvenez de ça? Oui, dans les champs. Les trucs dans les champs, dans les années 90. Ils ont fait venir des spécialistes du monde entier. Il y a eu des spécialistes qui ont dit ça. Ça ne peut pas être l'œuvre d'un homme. Oui. Eh bien, ils avaient raison, puisqu'en 91, deux cultivateurs ont dit bah non, c'était deux hommes, on était deux. Deux vieux anglais. Deux vieux avec leur tracteur. Ils se faisaient chier, ils faisaient ça pour passer le temps. Ils faisaient des ronds dans les champs et les mecs ont dit regardez les extraterrestres, les aliens sont c'est énorme. Bon, je vous en fais encore un ou deux. Allez. Ah ouais. Ça, c'est. Ah ouais, si, c'est bien. Si, bah, allez, au Nouveau-Mexique en 47. Le producteur Ray Santilli a annoncé qu'il avait fait l'acquisition des images de l'autopsie de l'extraterrestre. Ah vous vous souvenez? Oui. Tout le monde l'a vu. Et en 95, Santilli a affirmé qu'il avait acheté un caméraman militaire à la retraite pour 100 000 dollars. Toutes les télévisions l'ont acheté. En France, c'est Jacques Pradel et TF1 qui avaient diffusé la cassette. Bien et finalement, sûr. Le gars dit non, c'est un canular, c'est un mannequin. Hein, ça va jamais être. Je vous en fais un dernier. Oui. Burger King en 98 qui a fait une publicité annonçant que l'entreprise trouvait une solution pour les amateurs de hamburgers gauchers avec le premier Whopper fait pour les gauchers. Ils ont été submergés de gens qui voulaient le prendre et qui le commandaient. Ils ont c'est la même, non? C'est le même, évidemment. Prends un hamburger, que tu sois droitier ou gaucher. Ça reste rond. Et bah, je vous rappelle que les Américains pensent que le lait chocolaté vient des vaches marrons. Donc oui, c'est vrai. Le hamburger pour gaucher, ça passe crème. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidry. Johan sera en voyage. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai énergie en cathéter d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi sert nous à boire. On a les yeux qui brillent. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai énergie en cathéter d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Coé. 17h-20h, c'est le best-of de Coé sur Énergie. C'est c'est dit. On s'est tapé dans la main virtuellement au téléphone ce matin avec Manu et toute l'équipe du 6-9. On va se retrouver, on va faire un laser game. On va les défoncer. Voilà, et on va les. Ouais, bien sûr. Mais vous deux en moi, équipe. Moi, en équipe. Vous, contre moi. Alors, moi, je suis très mauvais, je n'ai pas de souffle, je suis crevé au premier tour, au premier virage. Non, mais on est premier degré, les deux équipes sont premier degré, ça va être compliqué. Ouais, défoncer. Eh bien, écoute, on va donc monter une équipe contre équipe. Voilà, vous suivrez tout ça, on mettra ça sur les réseaux, évidemment. Qu'en pense la villa des animateurs? Tous les animateurs de la télé dans une même villa, ils en ont entendu parler, il paraît. Et justement, on est en train de faire la connexion, là. Attendez. Oui. Allô, allô. Oui. Ouais, salut, c'est Arthur, le roi de la télé, ça va, le roi de la radio, le roi du laser game, le roi de la vanne et du mec qui est de bonne humeur tout le temps. Ça s'entend quand je parle. Alors comme ça, on vote une équipe et on n'appelle pas le roi. Mais vous connaissez bien le principe de ce jeu? Ouais, il faut tirer sur des gamins hystériques qui crient et qui courent dans tous les sens. On peut y jouer pendant le brunch du dimanche midi parce que j'y supporte pas, donc... Non mais c'est réservé à un endroit déjà. Ah bah je joue pas alors. Bah ouais. Hey, allez chérie, je joue. Le laser game, c'est la Darka les gars. Et dans ma team, je vais prendre Jean-Luc Lemoine en sniper. Alors c'est une burde le gars. Non, je vais pas le prendre, c'est une burde. C'est une burde le gars. Hey, je sais même pas qui je vais choisir. Mais ça va tirer dans tous les sens, je sais. Et la prochaine fois, t'apprends à lire toi. Salut. Salut Patrick Sébastien, le roi de la école, France 2. Vous me donnez une banane, je sais quoi en faire. Ça va tout le monde? Ça va. J'ai entendu un truc qui paraît que... Il paraît que ça allait tirer dans tous les sens. Alors quand ça tire dans tous les sens, il y a pas de qui est là. Non mais on parle de laser game Patrick. Ouais. On va tirer dessus avec des pistolets laser contre l'équipe de Manu. Je sais pas ce que vous avez aujourd'hui. Ah bon? Ça avec des pistolets laser, je suis un peu déçu. Bon bah je viens quand même, d'accord. Okay. Parce que ouais, dans l'équipe de Manu, j'en ai repéré une ou deux. Pan pan pan. Je leur mettrais bien une cartouche laser game. Pan pan pan. Je leur mettrais bien une cartouche laser game. Laser game vite fait dans le studio comme non, ça. Non. Non, Paulette, je la mettrais bien une cartouche. Lisa, je mettrais bien une cartouche. Non. Ok, bah Manu, j'en vais une. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Thought I'd end up with Sean, but it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh. Even almost got married, and for Pete I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm, cause he was an angel. She grew from the drama. Only wanna do it once real bad. Call me cause she last. God forbid something happens, at least this song is a smash. 17h-20h, c'est le best-of de Koï sur Énergie. Attention, voici le classement des pays les plus infidèles dans le monde. Je vais du moins infidèle au plus infidèle. Okay. Et c'est moche l'infidélité. Oh, oh, c'est pas bien. C'est caca l'infidélité. En plus, faut ah oui, puis en plus, faut trouver des prétextes à chaque fois. J'étais repris au bureau, c'est pas ma faute, j'ai crevé et tout. Oh non, oh, c'est trop compliqué, ça tue la vie. Dixième, les Finlandais. 36% des Finlandaises et des Finlandais trompent leur conjoint. 9e, les Anglais à 37%. 8e, les Espagnols à 39%. 7e, les Belges. Le Belge David dit eh ben... on sort vite fait, on se prend un godet, puis on y va. Hein, c'est rapide, ma femme, elle ne saura pas. Dit. 6e, les Norvégiens, 41%. Ça, il y a des raisons climatiques, c'est pour se tenir chaud. Okay. 5e, les Français. Tada, 43% des Français sont infidèles. On est là. Ah, je change de musique. C'est mieux qu'au tennis, hein. Pour une fois qu'on est pas mal placé dernier, ça va. Dans un classement. Ah oui, on est pas mal. Je continue mon classement, excusez-moi. 4e, les Allemands, 45%. 3e, les Italiens, 45%. Ah oui, oui. Sont infidèles. 2e, allez, essayez de me donner les pays. 2e. Italien. Non, danois. J'ai dit juste avant italien. Brésilien. Mais énergie dans ton casque. Et premier, d'après vous, donnez-moi chacun un pays qui, d'après vous, est le pays le plus infidèle au monde. Les Brésil. Non. Les Brésiliens. Oui, t'as raison, ça pourrait être ça. Le Pérou. Non. La couleur est sympa, mais non. Le Maroc. Ils ont des très jolis bonnets. Non. La Grèce. Non, l'infidélité au Maroc. Non, non, c'est pas trop de mise. Non, la Grèce. Non, ça pourrait, mais non. Les Américains. Non, eh bien non, vous l'avez pas trouvé. Les Thaïlandais, les amis. Ah bon ? Les Thaïlandais sont les mecs les plus infidèles au monde. C'est fou parce que vous me direz ça, on dirait les Italiens, bah on dirait oui, tout bah ça. Ouais. Les mecs sont là, ah bah tiens, ouais. Ça tchatche et tout. Un Thaïlandais, ça tchatche pas. Bah non. C'est fou, c'est bizarre, je me. Non, on s'attend pas. On s'attend non, c'est pas. Vrai, c'est non, surprenant. Bah, je suis d'accord. Qu'est-ce que vous dites, monsieur ? Mais c'est tout petit, le minus. Oui, mais c'est pas la taille qui fait. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. En Bretagne, deux surfeurs se dirigent vers la plage et d'un coup, ils entendent passer près d'eux des balles. Ouais. Des balles de fusil. Du coup, ils se jettent à terre. Et en fait, c'était quoi ? C'était des chasseurs. Ils ont été interrogés. Et quand la police leur a dit « Mais pourquoi vous avez tiré sur les surfeurs ?» Ouais. Ils ont dit « Nous n'avions pas vu que c'était les surfeurs. Nous avons cru que c'était les faisans. » Mais non. Quoi ? Donc pour eux, un faisan est un petit volatile qui, le week-end, fait du surf. Ouais, c'est ça. Ça marche. Manu dans le 6-9. Manu, allez ! 6h-9h30 sur Énergie. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron ? Oh là, je crains le pire. Bah désolé, mais vous allez voir rouge patron. Hein. Parce qu'aujourd'hui et demain chez Lidl, ils font la barquette de 250 grammes de tomates cerises à 69 centimes. 69 centimes, la barquette de 250 grammes de tomates cerises ? Tu me mènes en bâton là ? Ah non, en barquette de 250 grammes patron. Eh ben on est très mal. On est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 2,76€ le kilo, catégorie 1, origine Maroc. Supermarché exceptionnellement ouvert ce dimanche 30 décembre. Plus d'informations et horaires sur Lidl.fr. La bonne idée débute. Les ventes très très privées. Faut pas que ça s'ébruite, je vous ai rien dit. De quoi on parlait déjà ? Les ventes très très privées chez But, c'est en ce moment. Mais chut ! Jusqu'à moins 50%. Oui, moins 50% dans tous les rayons. Offre sur une sélection de produits réservés aux porteurs de la carte But et membres But Merci. Conditions en magasin. Vous savez qu'avec ma carte La Halle, vous êtes vraiment privilégié. Jusqu'au 8 janvier, pendant les ventes privilèges La Halle, votre deuxième article est à moins 70% sur une large sélection de vêtements et de chaussures. Moins 70% en magasin et sur lahalle.com. C'est rien que pour vous avec ma carte La Halle. La Halle, c'est vraiment vous. Conditions en magasin et sur lahalle.com. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est la pause goûter d'Edouard qui change. Avec les mandarines d'Espagne à 1,19€ le kilo. 1,19€ ? Edouard, la mandarine a vécu toute sa vie dans l'ombre de la clémentine, alors qu'elle est bien meilleure. Rends-lui justice. Mange-en. Jusqu'à demain, vos magasins Auchan, Adepa et Maille Auchan proposent le kilo de mandarine à 1,19€ et vos pauses goûter changent. Auchan. Catégorie 1, calibre 1-2, variété Clément Villa, origine Espagne. Magasin ouvert dimanche sur Auchan.fr. Ramenez la coupe à la maison. Végidream. Collector Marchand de Sable 2 inclut 8 inédits. Végidream, c'est son année. Pendant les 30 jours.

m'as dit, t'es comme les autres en fait. Tu m'apportes que des problèmes, allez sors de ma vie. De toute façon je le pensais pas, quand je te disais je t'aime. On nous répète qu'avant c'était mieux. On croit en l'amour qu'une semaine sur deux. Le temps passe vite, on est des jeunes vieux. Hier un petit m'a appelé monsieur. Par la fenêtre, j'attends un signe. Je pense à mon avenir qui doucement se dessine. En attendant je me remets ce vieux son de Biggie. Celui qui fait It was all a dream. Un seul sourire et mille pleurs. On attend la surprise comme les Kinder. Pour éviter de dire les enfants, j'ai rencontré maman sur Tinder. Toutes les questions sans réponse se baladent dans ma tête. La main sur le cœur, des fois j'ai trop peur qu'ils s'arrêtent. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que tu penses, ne pense plus à rien, rien, rien, rien. Sur Énergie. Ah, avant de faire ma pub, la promo. Un Intermarché au hasard en France. Le but du jeu, c'est de dire Coé de retour sur Énergie, blablabla, avec le micro dans le magasin. Intermarché la Reine, bonjour. Alicia, bon, pour vous aider. Bonjour Alicia, pour m'aider. Comment allez-vous? Je m'appelle Coé. Alicia, on, je, oui, bonjour. Bonjour madame. Je m'appelle Coé. Alexia. Oui, Alexia. Bonjour, je m'appelle Coé. Coé sur Énergie, comment allez-vous? Ça va Alexia? Oui, ça va et vous? Magnifique. On est en pleine forme. Je suis où? Je suis dans quelle ville? Laragne. À Laragne, c'est où? C'est dans les Hautes-Alpes. D'accord, il fait beau aujourd'hui ou pas? Ben ce matin il a fait mauvais temps, mais là ça va. Mais attendez, vous pouvez répéter, j'ai pas très bien compris. Vous oui êtes madame qui? Baudin, je m'appelle Coé et on est sur Énergie. La radio. C'est une blague. Ben non, non, c'est pas une blague. Non, enfin, si ça avait été une blague on aurait dit c'est l'histoire d'un Belge. Ouais voilà. Mais c'est vrai, il a raison. Si on avait fait une blague, on aurait commencé comme ça. Non, c'est pas une blague. J'ai besoin de vous, madame Intermarché. J'ai besoin de vous, Alexia. Non, mais vous voulez dire que là, en fait, je suis à la radio, en fait. Alors, comment vous le dire plus simplement que... Oui. Oui. Oh, mon Dieu. Non, mais c'est super, en fait. Ah, bon, j'ai eu peur pendant deux secondes. Est-ce que je vous déteste? C'est la première fois? Ouais, c'est, vous, ben oui, voir. Donc, c'est... Ouais, j'ai pas l'habitude, je suis un peu étonnée, là. Allez-y, dites-moi. Cette première fois va très bien se passer. Je vous assure. Bah oui, allez-y. Alors, j'ai besoin de vous. Papier, stylo, est-ce que vous avez d'abord un micro à côté de vous qui donne dans le magasin? L'accueil, là, oui, oui. Ah, okay. Je suis à l'accueil, il ne peut pas tomber. Très bien. Je vous explique. Je viens de revenir sur Énergie depuis fin août. Oui. Donc, okay. C'est encore le moment de dire à tout le monde qu'on est là et qu'il faut nous écouter sur Énergie. Donc, est-ce que vous pouvez dire un petit mot dans le micro pour moi? Je vous donne le texte, hein, il n'y a pas de souci. Oui, allez-y. Ah, c'est gentil, ça. Allez, on y va. Vous notez? Oui. Alors. Écoutez Coé sur Énergie. Avant, vous dites ce que vous voulez, hein, madame, monsieur, chère cliente, cher client. La phrase habituelle, hein, je ne sais pas comment vous les appelez, l'Intermarché Family. Non, pas. Hey, les sauces. Pas comme enfin, ça, mais... Écoutez Coé. Sur Énergie. Sur Énergie. De 17h à 20h. De 17h à 20h. C'est meilleur que le chou-fleur et un pot de beurre. Attendez, la fin c'est quoi? J'ai pas très bien compris là. C'est meilleur que le chou-fleur et un pot de beurre. Non, Attendez, je peux pas dire ça quand même. Bah si, parce que c'est quand même meilleur que le chou-fleur. Enfin, en l'occurrence. Oui. Et un pot de beurre. Et un pot de beurre. Voilà. Vous avez déjà mangé un pot de beurre par rapport à m'écouter? Mangez un pot de beurre avec une cuillère. Oui, croquez dedans. C'est meilleur. Si ce pot de beurre vous gêne, on laisse ce chou-fleur. Hein. Oui. Non mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, c'est comment vous expliquer, j'ai pas envie que mes patrons ils me tuent. En fait. Non, on n'a jamais eu de mort depuis le début, hein. Vraiment, là-dessus on est très... Si, un, mais... Vie rapide, accidentel. Mais j'ai peur, attendez, mes patrons. Non, j'ai peur. Vous inquiétez pas, y a rien à craindre, depuis tout à l'heure je dis Intermarché. Oui, ils vont vous remercier pour la pub qu'on a faite, hein. Alors attention, donc écoutez, vous me le répétez comme ça entre nous. Surtout qu'il y a du monde et tout. Oui, c'est le but, parce que s'il y avait personne, ça servirait à rien. Oui, il faut qu'il y ait du monde dans le magasin. Alors allez-y, redites-le-moi. Écoutez Coé sur Énergie de 17h à 20h, c'est meilleur que le chou-fleur et un pot de beurre. Alors n'hésitez pas au début, chère cliente, cher client, d'accord ? Cher client, bonjour. Oui, voilà. Vous imitez les formes. Attention, alors attention, on va écouter. Alexia, on y va. Alors attendez, je me prépare là. Faux départ. Ça chauffe la voix. C'est comme les boxeurs avant le. Oui. Avant de monter sur le ring. Ça chauffe la voix, les boxeurs. Cher client, bonjour, votre attention s'il vous plaît. Écoutez Coé sur Énergie de 17h à 20h, c'est meilleur que le chou-fleur et un pot de beurre. Merci. Oui. Alexia, vous êtes super, vous avez une très jolie voix, Alexia. Hey, ça s'est bien passé pour une première fois. Hein. C'est pas mal, Alexia, c'est la première fois de votre vie, vous parlez et dans le magasin et sur Énergie. Bim, une doublette. Lise, ah, purée, je suis trop heureuse, la famille. Eh ben. Ouais, gros. Je vous fais un gros bisou, Alexia, je vous embrasse fort, embrassez tout le monde dans le magasin pour moi. D'accord ? Merci, c'est gentil, à bientôt. Gros bisous, au revoir. Au revoir. Adorable comme ouais, tout, c'est quoi ? Moi, j'ai envie d'aller acheter des légumes. Tu sais quoi, si ça te plaît qu'à moi, j'irai dans les Alpes de Haute-Provence, là, les Hautes-Alpes, j'irai tout de suite acheter des trucs. Non, c'est parce que c'est loin. Ouais, ça fait j'étais à deux doigts d'acheter un chou-fleur. 17h, 20h, c'est Coé sur Énergie. Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath. I'm feeling like someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Like a someone, a someone, a someone, a someone. gardé le meilleur de Koé. Ça a été compliqué, mais on a trouvé. Koé 17h-20h, c'est le best-of de Koé sur Énergie. Allô Rémi. Allô. Allô. Salut Rémi, c'est Koé, on est sur Énergie. Comment ça va Rémi? Koé de... Et de Énergie. D'Énergie. Voilà, ça va Rémi, tu es en forme? Ouais. Bienvenue chez nous, je te présente ton pote Corentin qui est en ligne avec nous. Vous êtes amis depuis longtemps, je crois. Corentin, Rémi, vous pouvez vous dire bonjour. Ouais, salut Rémi, ça va? À la forme et toi? Bah ouais, enfin pourquoi tu m'appelles? Enfin, c'est quoi? C'est une blague ou... Non, tu vas vite comprendre, j'ai un aveu à te faire et honnêtement, je pourrais pas le faire tout seul. Vous êtes copain depuis combien de temps? Change de zik, Bichette, ça fait trois fois que j'essaie de te le dire. Change de zik. Eh ben, change de zik. Voilà, avec moi, cette nappe-là, j'ai l'impression d'être dans les Morphalous, un vieux film des années 70. Corentin, Rémi, pardon, vous êtes amis depuis combien de temps? C'est vraiment en couille. Oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? On est pas ensemble. Vous êtes ensemble. Vous êtes copains depuis combien de temps? Vous êtes copains, oui, ensemble, oui, copains. Depuis tout petit, quoi. Tout petit, c'est bien, c'est génial, ça. Vous avez une amitié solide, Rémi, Corentin? Bah, quand même. Plutôt, oui. C'est béton, c'est un frérot, quoi. On peut dire que vous êtes comme deux frères. Comme deux, il l'a dit. C'est un frérot. Alors, c'est un frérot. Alors, là, eh ben, c'est quoi, ça me touche que tu viens de dire, Rémi. Rémi, nous sommes là ce soir pour célébrer l'amitié. Ouais. La vraie. L'amitié avec tout ce que cela comporte. C'est-à-dire les aléas de la vie, les hauts et les bas, les up and down. Les joies, les peines. Le partage. Ouais, attends, c'est quoi ce... Alors Rémi, nous allons faire un jeu. Rémi. Ouais. Tu préfères. Est-ce que tu préfères... Fais des exemples avant. Peut-être pas. Comment ça? Avant d'attaquer direct. Ouais. Est-ce que tu préfères par exemple... Écoute-moi. On va jouer. Est-ce que tu préfères? On y va. Est-ce que tu préfères avoir une jambe en mousse? Oui. Ou un nez qui renifle bien, mais de 1 mètre. Non, vas-y, on répond vite. Répond. Une jambe en mousse. Une jambe en mousse. Est-ce que tu préfères avoir des pieds de 45 pour l'un, 22 pour l'autre, ou avoir des toutes petites dents, mais molles? Un pied de 45, quoi. Enfin, je sais pas. D'accord, ok. Est-ce que tu préfères avoir des tout petits doigts, mais qui grattent bien le dos, ou alors avoir une bouche en mousse aussi? Ah, une bouche en mousse. D'accord. Est-ce que tu préfères manger un chat ou manger un chien? Un chat. Ok. D'accord. On note, tout ça. On prend des notes. Oui, est-ce que tu préférerais que un de tes amis fasse un bisou à ton papa ou est-ce que un de tes ennemis fasse un bisou à ta maman? C'est super crade, les deux, c'est crade, quoi. Ah, les deux, c'est pas facile, hein, oui, ça entraîne du bisou. Ah, mais il faut choisir. Un bisou à mon père. Bisous à ton père, d'accord. Ouf, tu vois déjà, bon. Voilà. Bon alors, hop, question musique. Est-ce que tu connais le groupe NTM? Ah, bien sûr, j'adore. Non, c'était pas le bon axe. Non. Je serais un peu violent, je pense, pour là. Non. En plus, il aime le groupe. Il aime le groupe NTM. Ok, voilà. Ça a peut-être changé. Alors, Rémi. Ils ont fait un concert en plus. Voilà. Le Nick Tamertour, il était ouf. À l'hôtel Accor Arena. Il était ouf. Alors, tu vas rire. C'est l'accord au Arena ou dans le salon? Pas encore. Alors, est-ce que tu voudrais jouer? Tu préfères jouer au Monopoly ou à ta mère en slip? Monopoly. D'accord. Rappelons que ta mère a slip. De toute façon, tout ce qui touche à la mer, j'aime pas trop. Ouais. Là, on est mal barre alors. Est-ce que tu connais une chanson de Véronique Jeannot? Ouais, laquelle? Qui disait j'ai fait l'amour avec ta mère. Non, avec la mère. Avec la mère. J'ai fait l'amour avec la mère. Tu connais? Non, je connais pas. D'accord. Et est-ce qu'il connaît la maman de Stifler? Ah oui, American Pie. Ouais. La maman de Stifler. Toi aussi tu connais. Pourquoi tu la connais? Parce que elle est trop bonne. Et bien voilà. Et bien voilà. On y est. Corentin. Quel rapport avec moi? À toi. Corentin, à toi, moi je vais garer ma voiture. Il était en double fil depuis tout à l'heure. Monsieur Ampierre, je suis devant Énergie. Allô, c'est quoi? Moi, Rémi, ouais, je suis là. Ça va, donc, franchement, la forme. Mais là, faut que je t'avoue quelque chose. Bon, je t'avoue que je suis pas serein. Bon, on se connaît depuis longtemps et je connais tes réactions. Ouais, tu peux tout me dire, t'inquiète, vas-y. Moi, tu te souviens la dernière fois qu'on était en soirée, quand t'es parti un peu plus tôt? Ah, ouais, c'était chaud. Je suis resté un peu plus longtemps avec ta mère. Attention, et c'est le moment de faire un jeu. Non, Rémi, c'est le moment de faire un jeu. Rémi, est-ce que tu es prêt? Attention, boum, monsieur et madame, ça marche toujours. Monsieur et madame, ton pote et ton beau-père ont un fils. Monsieur et madame, ton pote et ton beau-père ont un fils. Mon pote, je sais pas, ça, je connais pas. Non, Rémi. Quoi, Rémi? Rémi, ton pote et ton beau-père. Attends. Non, il va falloir crever l'abcès, là. Il va falloir crever l'abcès. Ouais. Corentin, c'est le moment d'y aller. Ouais. Corentin, allez. Allez. Allez, il y a eu bisous. Allez, il y a eu bisous. Quoi? Voilà. Il y a eu bisous. Voilà. On s'est un peu trop rapproché avec ta mère et. Mais attends, tout de suite, d'où tu te rapproches avec ma mère? Tu te rapproches dans le canapé, tu te rapproches, tu fais pas des bisous. Mais c'est... Non, oh, il l'a pécho, clairement. Non, bisous. Juste bisous. Mais c'est... sérieux, tout le monde, taisez-vous. On est vraiment énergie, tout ça? Non. On est entre nous. Non, non. Eh non, mais Corentin, là, sérieux, c'est vrai ou c'est des conneries? Non, c'est pas des conneries, faut que... Si, je suis en fait, je voulais te l'avouer, je sais pas comment. Mais t'as l'enculé, ça. Non. Restez avec nous. Les esprits s'échauffent. On revient dans un instant. On va calmer le jeu. Bougez pas, tout de suite, on revient. 17h, 20h, c'est Coé sur Énergie. What the hell do you mean I've got to wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Sur Énergie. Et je voudrais que nous revenions sur cet énorme problème. Ils sont toujours là. Oui, j'ai demandé à Corentin, notre Guy Claude, de les tenir en haleine. Corentin a donc fait un bisou à la maman de Rémi. Son meilleur pote. Ouais. Ça va, Corentin?

Il faut qu'il décroche aussi. Bah oui. Oui, c'est le moment, les gars, parce qu'au mois de janvier, il n'y a plus rien à branler hein, dans les magasins de jouets. Hein. C'est plus calme. Hein. C'est maintenant ou jamais, les gars. Mais si à un moment, il faut vendre, c'est là. Hein. Moi, je ne suis pas votre manager, mais. S'il faut décrocher, c'est maintenant. Et ça va être plus calme en février. Hein. Beaucoup plus. On n'offre pas. Ils sont tous partis. Un nerf pour la Saint-Valentin, quoi, c'est ça que je veux dire. Moyen. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur, c'est le magasin de jouets? Oui. Bonjour, monsieur, je vous dérange pas? Non, du tout. Ah, vous devez être en pleine activité, hein, c'est gentil de me prendre, voilà. Je suis avec mon petit-fils, monsieur, je voulais commander des cadeaux au Père Noël. Voyez ce que je veux dire? Voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Mais je voudrais vérifier les stocks du Père Noël, parce que je suis avec lui, voyez, avant de me déplacer, parce que ça fait... Pour moi, c'est toujours un peu compliqué de se déplacer, donc je vais me déplacer quand c'est bon. Bien sûr. Alors, est-ce que vous avez des overboard? Oui. Vous avez des overboard? Oui. D'accord. Combien que ça coûte? Entre 200 et 500 euros. Ah bah, vous faites... Il se fait pas chier, le Père Noël. Hein. Non, jamais. Il y a moins cher? Il y a la même chose en moins cher ou pas? Pas en magasin. D'accord. Il m'a demandé des Beyblade. Oui. Il en a, le Père Noël? Plein. Même Legion's Prison? Oui. Pas besoin de vérifier dans le stock, hein? Pas besoin, je suis certain. Non, parce que des fois, le Père Noël, il dit qu'il y en a, puis on arrive, il n'a plus. Ouais, mais c'est que des fois, il est fatigué. Mais là, il est en pleine forme. Ah, c'est bien. Voilà, ça, c'est bien. C'est bien, mon grand. Tu vois, ils ont... Le Père Noël, pour l'instant, il a tout. Je parle à mon petit-fils. Hein. Vos cadeaux du Père Noël, ils sont fabriqués en Laponie? Pas à Laponie, non. Fabriqués made in China? Chine ou ça dépend où, mais après c'est il y a des marques où c'est du design français, mais la fabrication voilà. C'est essentiellement en Chine. Voilà, mais ça passe par la Laponie, mon grand. Voilà, tu vois, ça passe par la Laponie. C'est monsieur, ce que monsieur il dit à papy. Si on n'est pas content des cadeaux du Père Noël, est-ce qu'on peut les ramener au magasin du Père Noël? Bien sûr, il faut bien garder le ticket que le Père Noël vous a donné. D'accord. Si les cadeaux du Père Noël est défectueux, on le ramène au magasin du Père Noël ou on voit exactement. Direct avec le fabricant. Et le Père Noël, il vous le change tout de suite. Oh, ça c'est gentil. Et sinon, il livre gratuitement le Père Noël? Il livre gratuitement le Père Noël, oui. Oh là là, ça c'est bien alors. Et donc vous me dites que c'est combien l'overboard? Entre 200 et 500 euros. Comment tu dis overboard? Overboard. Overboard. Overboard. Comment tu dis mon grand? Overboard. Moi j'arrive pas à le prononcer. Mais j'ai compris. L'overboard. Comment? Overboard. Overboard. Voilà, pas mal. L'overboard. Voilà, c'est pas mal là. Loveboard. Loveboard. Love boat. Combien vous m'avez dit? Comment? Combien vous m'avez dit pour le love boat? Entre 200 et 500 euros. Et si je n'ai pas les moyens, vous n'avez pas en dessous? Non. Oh. Je suis obligé de le dire à mon fils. Tu vois, à cause du monsieur, tu n'auras pas le love boat. Oh, calme-toi, mon grand. Vous l'avez fait pleurer, monsieur. Pardon. Monsieur, vous avez fait pleurer le petit. Ah, je sais pas quoi lui dire. Je vous le passe, monsieur. Je vous le passe. Dites-lui un mot. C'est le Père Noël. Je te passe le Père Noël, mon grand. Il est au téléphone, il vous écoute. Bonjour, jeune homme. Faut que tu sois bien sage si tu veux un overboard. Il faut pas pleurer. Ça a pas marché. Ah, bon, bah, je vais te mettre maman. Il s'est pris un coup de pelle. Pareil, en passant. C'est pas prévu. J'ai trompé de bouton. C'est juste à côté de. Pourtant, c'est efficace, hein. Mais ça marche, ouais, on a pas le droit. Monsieur? Oui. Je m'appelle Coé, on est sur Énergie. Bravo, vous avez été top. Merci pour la patience. Quelle patience! Mais quelle patience! C'est quoi votre prénom? Thomas. Thomas, vous avez été une patience incroyable! Ouf. Par contre, dites qu'il vient de Laponie. Je vous avoue, j'ai rien dit, mais ça me fait déchirer. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you. Then you leave.